Je scroll jusqu'au sang, pouce en feu sur l'écran. Des visages qui défilent, des mensonges en vitrine. C'est gagnant le matin dans la rame, les yeux collés au vert. Tout le monde veut briller, personne veut voir la misère. Je démords dans les commentaires, des frères en mode alarme. Un regard de travers et ça sort les larmes, ça sort les armes. Des stories sur la haine, des sourires en mode fake. Et mon cœur fait le tour comme une balle dans un cercle de break. Je connais ces visages, c'est la même fin, la même rage. Un like pour se vendre, un coup pour sauver son image. La rue parle bas mais le net parle sale. Et chaque mot trop lourd peut finir en fracas fatal. Ça monte, j'entends les nerfs grincer. Un message de trop et tout peut basculer. Ça clique et ça vient me chercher. Plus je veux m'étendre, plus je veux regarder. Scroll jusqu'au sang, scroll jusqu'au sang. Tout le monde regarde, personne n'entend. Scroll jusqu'au sang, scroll jusqu'au sang. On veut du choc, on vend la fin. Ma mère dit pose ça, tu t'empoisonnes à petit feu. Mais la main revient seule comme un vice au bord du feu. Des clips de bagarre, des regards qui se déchirent. Et des gosses qui copient ce qu'ils voient avant de réfléchir. Le quartier est lourd mais la pluie le remplit noir. Chaque paire devient vitrine, chaque drame devient pouvoir. On me veut dans la case, dans la cage, dans la cible. Mais je veux sortir du piège avant que mon nom devienne un titre. J'ai vu des gars faire un film, finir seul avec leur bruit. Un poste pour faire le dur, puis la vraie vie qui détruit. Les doigts sur l'écran, le sang sec sur la joue. Je fais le tri dans le chaos, mais le chaos veut mon coup. Éteins, éteins, laisse la nuit respirer. Pas d'avatar quand le cœur veut parler. Si ça mord, si ça ment, faut savoir décrocher. Avant que le vide apprenne à te nommer. Scroll jusqu'au sang, hein.